Nous sommes toujours ensemble sur Radio Guémozo avec aujourd'hui nos deux invités, Jacques Touvenot et Julie Kunz. J'ai toujours peur d'écorcher votre nom de famille. Non, bien prononcé. Donc, producteur et décoratrice, community manager, etc., etc., de cette fameuse web-série The Dreamcatcher qui prend maintenant un grand tournant après donc, plusieurs prix internationaux sur cette série. J'imagine que ça a dû mettre du baume au cœur quand même, une belle légitimité sur tout le travail qui a été fait, une belle reconnaissance. Est-ce que ça était un petit peu un tremplin pour aujourd'hui proposer et avoir l'idée de cette série télévisée ? Oui, avant d'être un tremplin, déjà, c'est la reconnaissance de tout le travail d'une équipe de passionnés. Je voudrais en profiter parce que c'est quand même très important. On est une équipe, et vous vous en êtes rendu compte, mais c'est peut-être un peu sérieux ce que je vais dire là à l'instant, mais en tant que producteur, je ne peux qu'être reconnaissant, mais à un point tel, de tous ceux qui, pendant 3 ans, ont travaillé sur la web-série. Vous imaginez que du premier jour au dernier jour, ils étaient là. Et oui. On aurait pu avoir un turnover terrible. C'était le risque, d'ailleurs. Oui. Vraiment tout le monde s'est pris au jeu, et comme nous ne pouvions faire ça en tant que professionnels, les bénévoles, c'est libre pendant les heures creuses, j'allais dire, c'est libre le week-end, les jours fériés, un peu sur les vacances, pas trop quand même, faut pas exagérer. Ce qui fait que le tournage s'est effectué sur une période en tout de un peu plus de, oui, environ 6 semaines. Mm-hmm. Ce qui, somme toute, n'est pas si long que ça. En revanche, sur 3 ans. Eh oui, quand voilà, on travaille. Quand on peut. Obligé d'étaler, hein. Oui. On n'a pas le choix. Voilà, et c'est un petit peu ce qu'on va vouloir changer aujourd'hui. Mais cette équipe en question, c'est quand même des gens qui sont soudés, c'est sûr, et qui nous restent attachés. Et en fait, la web-série The Dreamcatcher leur appartient. N'appartient pas qu'à Arnaud, n'appartient pas qu'à ceux qui ont écrit, mais leur appartiennent à eux. Moi, je veux leur lancer un grand coup de chapeau. J'espère qu'il y en a un maximum d'entre eux qui nous écoutent. Mais franchement, ce sont des gens formidables. Et peut-être, est-ce que j'aurais, si nous professionnalisons tout ça, il faudra passer par là, j'aurais peut-être un petit regret de me dire, ah, on a professionnalisé, ce sont maintenant des gens, alors pas qu'avec eux, bien sûr, avec des équipes qui vont provenir du monde professionnel, et ils vont pouvoir apprendre aussi au passage. Mais surtout dire une chose, c'est que des bénévoles, quand ça s'y met, c'est merveilleux et c'est peut-être encore plus fort que des professionnels. Parce qu'ils ont ça dans leur, oui, dans leur veine, dans leur sang, dans leur peau. Et qui, voilà, ils ont montré ça. Alors un grand chapeau, un grand bravo à eux, je les aime. Eh ben voilà, on les félicite aussi vraiment. Et puis Julie, bah, vous en faites partie, bien oui, entendu. Hein. Tout à fait, ouais. Je le remercie. Hein. C'est vrai que c'est gentil, c'est très agréable en fin de compte d'entendre ça. Ça motive. Puis en même temps, voilà, bénévole, on est tous un peu fans, cinéma, série. On s'investit en fin de compte. C'est plus facile de s'investir dans ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quand on a eu justement des prix à Vancouver, on a eu le. C'est bien, ça, j'aime bien le dire. Hein. À Vancouver, on a tous eu le prix de la meilleure série, web-série, ouais, au festival de web-série de Vancouver. La même chose à Amsterdam. Le prix Van Gogh à Amsterdam, attribué à la meilleure série, web-série en 2018. Également, meilleure série tout près de Munich, un grand festival près de Munich qui, voilà, en Allemagne. Bon, ben, on a pour fait. Voilà, les Vosgiens sont allés en Allemagne tout pour proposer. Et meilleure série devant une série qui est diffusée sur Netflix. Ah oui! S'il vous plaît. Une belle série russe, en plus. Une belle série russe, auquel je croyais. Je pensais que c'était vraiment eux qui allaient... C'est un moment d'histoire extraordinaire à raconter, parce qu'on était tous les deux avec Arnaud au festival en Allemagne. On ne parle pas trop bien allemand, quand même. Mais enfin, bon, on arrive à comprendre un peu les choses. Et puis, soirée de gala se passe, et distribution des prix, j'allais dire. Voilà. Et là, palmarès. Et on était loin de se douter qu'on allait être pris pour meilleure série, peut-être pour des décors ou peut-être pour de, certaines choses, parce qu'on avait vu aussi ce que les autres avaient fait. Et je dois dire que chapeau, là, il y avait une série russe pour laquelle on peut faire de la pub qui s'appelle Sparta, qui est diffusée sur Netflix. Je conseille de la voir parce que franchement, c'est super bien et que l'histoire... Ben, c'est un thriller. D'accord. De plus. Voilà. C'est peut-être un peu pourquoi le jury a préféré... Ah. Décerner la meilleure série à une histoire un peu plus dans le rêve, un peu voilà, autre chose que du que du thriller. Et ça m'amène d'ailleurs à dire que je crois savoir que le thriller, même si on en voit de plus en plus à la télévision, malgré tout commence à lasser un petit peu, je crois. Bon. Je ne me mets pas à la place de tout le monde, parce que je ne suis pas tout le monde, je ne vais pas dire « on », mais je vais dire quand même que j'ai bien l'impression que ça commence un petit peu à s'effriter. On voit beaucoup à la télévision de séries gendarmes et voleurs, crimes, et puis d'ailleurs, quand ce n'est pas en série, c'est en documentaire, on voit beaucoup ce qui n'est pas bien, alors du reportage, du documentaire, crime, police... voilà, on est assez abreuvé quand même. Alors, la part doit être ouverte un peu aussi à la fantasy. Oui. On n'a pas de mot d'ailleurs, ce sont les Américains qui appellent ça fantasy. Oui. En fait, chez nous, ce n'est pas exactement le fantastique. C'est la science-fiction fantastique. C'est pas facile hein, vraiment à placer. Ça aussi entre réalité et fantastique, c'est ça. En fait, hein. Tout à fait. Voilà, on part du rêve à la réalité, de la réalité vers le rêve. C'est tout à fait la fantaisie, c'est voilà. Ça. Et là, on est en plein dans ce domaine-là. Donc, c'est nouveau aussi. Je crois que c'est bien de raconter qu'ici, dans les Vosges, il peut y avoir un institut de gens un peu torturés, malades, etc. Et puis, qu'il peut y avoir, dans notre cadre ici, des gens qui font vivre une aventure. Fantastique quand même, fantasy au sein de notre... Ça colle bien à notre département. C'est vrai. On a vu déjà des séries d'ailleurs qui ont été tournées dans les Vosges qui racontaient des choses un peu fantastiques également. Ça change de l'historique. C'est vrai. Ça change de l'historique et du criminologie habituel. Voilà, c'est ça. On parlait des prix. Il me semble qu'à Toulouse, vous avez quand même reçu le prix de la meilleure réalisation décor et costumes. Ouais. C'est bien ça? Oui. Alors décor, là, ben, je me tourne un petit peu vers Julie. Qu'est-ce que ça a fait de recevoir un prix? Alors c'est bien sûr toute l'équipe, mais vous disiez que vous aviez beaucoup participé au décor. Ouais, une très grande surprise, fin de compte, l'étonnement, c'est... Moi, au début, j'y croyais pas, c'est seulement, en fin de compte, quand ils sont remontés, qu'ils sont revenus avec les trophées, en me disant, ah oui, ok, effectivement, on a eu un prix, c'est bien. Elle est gonflée, cette Julie. On lui a envoyé. On a regardé en live en direct. Plus, nous. On a regardé en live. On lui a fait un petit envoi en direct sur je ne sais plus quelle plateforme. Là, ouais, mais je voilà. Sur Facebook. Ouais, alors qu'elle ne nous dise pas qu'on ne l'avait pas prévenue. Hein. Non, mais c'est la grande surprise. Fallait qu'elle réalise en voyant, en fait. Oui. J'ai hurlé dans le salon. Ah bah oui. J'ai hurlé dans le salon. Moi, j'y croyais pas, quoi. C'est bien. Ouais, je trouve pas mes mots. En fin de compte, moi j'étais contente pour tout le monde. C'est de la reconnaissance. C'est ça, c'est de la reconnaissance en se disant voilà, il y a eu un travail, on a bossé et ouais, on reconnaît ce travail-là. Quand j'étais à Toulouse et qu'on nous a, j'étais beaucoup plus satisfait. En plus, c'est la première distinction qu'on a reçue. Oui, c'est la toute première. Et dans le cadre d'un grand festival du... Comment vous appelez ça, vous les... Ah bah c'est le TGS, donc voilà, il y a... C'est assez geek, en fin de compte, jeux vidéo, cosplay... C'est la deuxième manifestation de ce genre en France. D'accord. C'est énorme, ça prend un parc expo complet. Ah oui. Et on y trouve tout ce qui rôde autour de la fantasy, justement, de la science-fiction, les gens se déguisent, enfin un petit peu. On a le CNU à Épinal, par exemple, ça, mais en multiplié par 12, voilà. Quoi, à peu près. et donc, c'était la première distinction qu'on a reçue. Eh bien, on n'a pas reçu la meilleure série. Il faut dire qu'il y avait une série qui a reçu la meilleure série, et c'était super bien. Oui. Et voilà. Mais. On n'a pas reçu ça. On a reçu le prix de la meilleure réalisation. Ça va à notre réalisateur et à notre auteur, quoi. Voilà. Et les meilleurs décors et les meilleurs costumes. J'étais content de ça parce que ça représentait la, voilà, ça va à l'équipe. C'est ça. Oui. C'est beaucoup plus fort encore que de dire oh, on a été encore meilleure série une fois. Voilà. Non, oui, ça. Là, c'est sensationnel de se dire que l'équipe est récompensée à juste titre avec les titres qui vont bien. Meilleur costume, meilleur décor. Bravo, ça leur va direct. Et oui, tout le monde a été récompensé et ça, c'est grandiose. Voilà. Alors ça, c'était les lauriers. Ça fait toujours du bien d'en parler. Ah oui. Ben voilà. Nous satisfaisons nos égos de cette manière. Vous avez bien raison. Oh ben on crache pas dessus, pas de problème. Mais d'un autre point, aujourd'hui, on en est à une période post-opératoire, j'allais dire. Notre série est encore en compétition un peu par-ci par-là, mais bon, je crois que maintenant, on a compris, on a tout fait, ça y est, c'est bien. On est donc parti sur une phase numéro 3. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons appelé ça entre nous Dreamcatcher 3.0. D'accord. Parce que nous allons effectivement donc en faire une série, enfin nous voulons en faire une série télé ou VOD ou plateforme, je ne citerai pas de nom, j'ai déjà dû dire les noms tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est tout un autre point de vue, parce que là, maintenant, on rentre complètement dans ce qui est de la pré-production ou de la production. C'est-à-dire que là, mon rôle devient un rôle beaucoup plus sérieux, dans lequel je me dois de rencontrer, au nom de cette équipe, les professionnels du cinéma et de la série et de la télévision française. Quand je dis française, c'est parce que c'est plus facile pour moi d'aller les voir. Ils sont en France. C'est déjà pas trop loin, Paris, ça va, on y arrive. Et puis les festivals. Nous étions avec mon associé à Cannes, au MIPCOM, il y a maintenant trois semaines, à peu près. Trois semaines. C'était mi-octobre. Le MIPCOM, c'est le marché des programmes audiovisuels pour la télévision. D'accord. Hors de question qu'on n'y soit pas. Eh ben oui. Bon, ça coûte un bras, mais il faut y aller. Et du coup, on a pu partager avec des grands de la distribution et de la production française. On a été très bien reçus. C'est vrai que on fait, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais on fait office d'extraterrestre. Bah, faut dire que fabriquer une série aussi bien réalisée, d'une telle qualité. Fabriquer une série avec nos petits bras, ça étonne. Et oui. Les premières questions qui nous sont posées par les professionnels, c'est « Ah ouais, mais vous avez fait ça avec quel budget ?» C'est vrai. Et là, on les regarde, on répond pas trop, on fait un peu « non » de la tête. Puis on dit « Bah, pas trop, quoi. Oui, mais enfin, quand même !» Bah, dit oui, mais non. Voilà. Ah bon, d'accord. Bon, si, en fait, on avait un petit budget. Bon, je crois qu'on a dû avoisiner les... On est à moins de 10 000 euros. D'accord. Hein. Bon, voilà. Oui. C'est tout simplement parce qu'il faut rembourser un petit peu les maquillages. Il faut bien que ça coûte des sous. Donc, il faut bien payer un peu les maquillages. Il faut payer des trajets pour les artistes qui nous viennent d'ailleurs. Parce qu'on a quand même, effectivement, notre actrice centrale, Jodie, on n'en a pas parlé, mais elle s'appelle Aurore Cellier. Oui. Elle commence à être très, très connue maintenant dans le département et petit à petit aussi au niveau national. C'est une jeune femme qui est originaire, je crois, de Cheny-Ménil, qui a été à l'école à Épinal pendant longtemps, qui a été esthéticienne à Épinal et qui a décidé un jour de se tourner vers l'acting et qui, pour ça, n'a pas hésité à partir d'Épinal. Elle a commencé par le conservatoire de Créteil. D'accord. Et ensuite, elle est allée dans l'école d'Hélène Zidi. Zidi, c'est un nom qui est connu dans le cinéma. Et donc, elle en fait toujours partie, d'ailleurs, je crois, aujourd'hui. Et puis, elle a une agente qui s'occupe d'elle aussi pour essayer de la placer sur tous les bons coups. Dernièrement, son dernier grand coup, c'est quand même de devenir un personnage qui sera récurrent dans la série Scène de ménage. Ah oui. C'est quand même pas la pire des séries. Bon. Elle fonctionne plutôt bien et donc pour elle c'est plutôt bien parce qu'elle est vue. Oui. et qu'elle est super et qu'elle a un rôle, j'en parlerai pas parce que, bon, voilà, vous, vous la découvrirez. Et voilà, elle fait partie du cinéma français. Et oui. Et donc, mais nous avions aussi autour d'elle deux artistes parisiens. L'un qui fait beaucoup de théâtre, Hugues Le Forestier, qui a été très connu sur une pièce qu'il a créée l'année dernière à Paris, qui était l'effet Poutine. Oui. Il avait le rôle et ça lui va très bien, il est chauve et tout, donc voilà. c'est une satire, bien sûr, sur Poutine, très intéressante, magnifique même, il est extraordinaire là-dedans. Et puis, une autre artiste aussi parisienne, Nathalie Mann, qui a tourné dans beaucoup de séries déjà. Qui est connue du monde de la série et qui nous ont fait l'extrême gentillesse de venir tourner dans les Vosges. Oui. Et cela bénévolement. D'accord. On sait que les artistes ont besoin d'être vus. On participe en créant avec eux à ce que le public puisse les voir. Donc c'est aussi leur but. Oui. Mais en même temps, on n'avait pas les sous pour leur payer, à part leur train, quand ils sont venus en voiture, leur essence. Mais voilà, quoi, ça s'arrête à ça. Et ils sont venus jusqu'au bout. Bon, on a essayé de grouper les tournages avec eux, mais quand même, ils sont venus jusqu'au bout. Il y a eu une chose extraordinaire est arrivée, d'ailleurs. C'est que nous avions trouvé l'actrice qui joue le rôle d'un personnage politique, on va dire... assez à droite. Bon, voilà. En passe de devenir la future présidente de la République. Ouais. Il nous fallait donc pour ça un personnage avec un charisme extraordinaire. Oui. Et Nathalie Mann est tout à fait, a pris le rôle à bras-le-corps et s'est même régalée dans ce rôle. On l'a trouvé grâce à une copine que j'avais connue à Cannes dans le temps, qui tournait du court-métrage. Et elle venait de réaliser un court-métrage à peine quelques mois plus tôt avec ce personnage. Et quand j'ai regardé, parce qu'on communique entre gens qui faisons de la fiction... Et là, regarder sur YouTube, encore une fois. Alors, j'ai regardé sur YouTube. Et là, je tombe face à ce personnage. Elle faisait tourner. Mais c'était elle que je voulais. Alors, j'ai appelé ma copine en lui disant, dis donc, tu peux me filer le lien vers cette actrice? Je ne la connais pas. Mais, oh, ben, pas de problème. Je lui en parlais. Envoie-moi le scénar. Je lui ai envoyé le scénar. Elle a fait le lien. L'actrice a trouvé le scénar super sympa. Elle a dit, ouais, je fais. Waouh. C'était quand même gagné. Tout à fait. Oui. Bon. Là, après, il a fallu trouver le personnage qui fasse le directeur, enfin, le scientifique directeur de l'Institut. Il fallait nous trouver. Donc, voilà. Et là, on ne l'a pas trouvé tout de suite. Et là, j'ai fait appel à une autre Vosgienne. Enfin, non, elle n'est pas Vosgienne, c'est son mari qui est Vosgien, mais elle connaît bien le département. Une directrice de casting et qui est mariée à quelqu'un qui est originaire de Vanier. D'accord. Voilà. Sa belle famille est de Vanier, donc elle connaît notre département. Tout à fait. Je suis allé vers elle naturellement parce que je l'avais connue sur un autre tournage et elle avait fait déjà le rôle de directrice de casting sur un autre film. Et je lui ai demandé, est-ce que tu accepterais de chercher pour nous on n'a pas de sous, mais tu vois bien, machin, etc. Elle était enchantée par le scénario, elle a trouvé ça génial. Elle dit oui, je vais te trouver la personne, pas de problème, je vais te trouver la personne. Deux jours plus tard, elle me renvoie un email en me disant j'ai trouvé ton acteur, je lui ai envoyé le scénario, il est en train de le lire et tout. Alors on a attendu quelques temps. Et en fait, ce qui s'est passé, mais quelque chose d'assez extraordinaire, il s'est trouvé que cet acteur n'est autre que le compagnon dans la vie de l'actrice que nous avions trouvée par le biais de mon autre copine. D'accord. Un hasard extraordinaire. Et ça s'est passé comme ça entre eux. Je vais dévoiler leur intimité. Eh bien, sur la table du salon, elle a trouvé le scénario. Et elle dit, tiens, j'ai pas rangé mon scénario. Elle pique le scénario. Elle va pour le ranger. Bah, elle trouve dans son bureau son propre scénario. Elle me dit, c'est pas possible, j'ai pas reçu deux scénarios. J'ai pas reçu deux scénarios. L'univers fantastique. Et là, parmi. Et là, son compagnon lui dit, mais qu'est-ce que t'as foutu du scénario que j'avais laissé traîner sur la table du salon? Il dit, mais c'est mon scénario. Il lui fait, mais non, c'est moi qui l'ai reçu. Incroyable. On plonge dans les confidences, là. Ah oui. Ah là, on est dans la confidence pure. Mais c'est incroyable. Il y a une... Alors, je ne suis pas du tout, ni fétichiste, ni... je n'ai pas du tout d'idées, les forces de l'extérieur. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais alors, quand même, il faut quand même bien admettre que sur cette série, nous avons des coups de force, des trucs qui nous arrivent, qui sont absolument dingues. De la chance, peut-être. Mais en tout cas, c'est des trucs de dingue qui arrivent. Et oui. Il y a du miracle, quelque part. Ben, tout à fait. Alors, ce qui nous arrangeait vachement, parce que finalement, sur les trajets... Ah bah oui, ils faisaient du covoiturage. Et puis en même temps, quand on leur a loué une chambre d'hôtel, bah alors voilà. T'as quitté d'en louer deux. Ça, c'est bassement matérialiste. Tout à fait. Mais bon, voilà, il se passe des choses absolument dingues dans ces mondes-là. C'est rigolo. On est vraiment dans l'envers du décor de cette série The Dreamcatcher hein, dont nous parlons aujourd'hui, qui va prendre un grand virage d'ici quelques temps. Alors, pour quand va débuter ce tournage-là pour en faire cette fameuse série télévisée ? Est-ce qu'on peut déjà parler de ça ? Moi, j'aurais tendance à faire aussi pareil. Ouais. Non, on n'en est pas là pour l'instant. Et d'ailleurs, petit message à l'attention des gentilles personnes qui nous écrivent par mail ou sur Facebook, ou qui nous suivent, ou qui nous appellent, ou qu'on rencontre de visu, oui. et qui nous disent « Mais tiens, moi j'aimerais bien être figurant dans votre série. » Ouais, oui. c'est légitime, pas de problème. Mais revoyons-nous, parce que pour l'instant, c'est quand même à l'horizon, si tout va bien, c'est à l'horizon été 2020. Qu'on va commencer à faire des castings et à s'intéresser aux gens qu'on va mettre. Parce que pour l'instant, dans l'État, les artistes auteurs ont écrit les synopsis de ces 12 épisodes, qui représentent plus qu'une saison d'ailleurs. Oui, parce qu'en général, une saison, c'est 6 épisodes à peu près, entre 6 et 8 épisodes. D'accord. Ce sont aussi des questions budgétaires. Ça coûte cher de faire des épisodes. Oui. Et donc, on sait qu'on en a sous le pied et qu'il en reste encore. Et que donc, sur 12 épisodes, on va s'en servir d'une bonne moitié pour faire la première saison et qu'il y a encore de quoi raconter des choses sur la grand. Deuxième saison. Tout à fait. Ça, c'est plutôt bien pour les producteurs. Voilà. Donc, on voudrait vous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous en sommes à écrire les dialogues. Voilà. Ça nous amène à parler... clairement du financement participatif qu'on est en train de mettre en place. Oui. Parce que nos auteurs ont besoin de s'améliorer encore sur l'écriture des dialogues. Les dialoguistes, c'est un vrai métier. Même s'ils ont écrit l'histoire, ils ont encore besoin d'apprendre. Parce que faire parler des gens, c'est pas comme dans la vie. Les dialogues, c'est autre chose. Il faut que ça raconte des choses. D'ailleurs... le plus grand des dialoguistes, parce que ce sont des gens qui jouent dans l'ombre souvent, et on entend peu parler des dialoguistes. Il arrive d'ailleurs que ce soit les scénaristes eux-mêmes qui sont dialoguistes, ou ils ont les auteurs qui sont dialoguistes eux-mêmes. Mais quel est notre maître à tous ? Le dialoguiste qui n'a jamais été, enfin qui a fait des films aussi, mais très peu, qui a surtout été uniquement dialoguiste. Un exemple ? Audiard. Ah ! Audiard, c'était le dialoguiste par excellence. D'accord. C'est celui qui faisait vivre une histoire au travers de dialogues qui avaient des phrases cultes viennent d'Audiard. Oui. Après, on a trouvé d'autres metteurs en scène qui ont amené des dialogues aussi. On parlera des dialogues des Bronzés, de toutes ces séries qui finalement font des dialogues, de tous ces films qui finalement sont des films cultes par leurs dialogues. Et oui, tout à fait. Hein. Ils sont films cultes par leurs dialogues. C'est vrai. Et pas par leur film. Oui. C'est quand même dingo. Et donc, vous voyez l'intérêt et l'importance du dialoguiste sur un film ou sur une série. Donc, on va demander, enfin, ils l'ont demandé eux-mêmes, de s'améliorer. Et pour ça, il existe des écoles spécifiques en région parisienne qui accueillent les futurs dialoguistes pour pouvoir être aiguiser un peu mieux leur dialogue. Et ça s'apprend. Donc, nous allons envoyer nos deux auteurs en stage pendant 2 semaines en région parisienne pour aller dans une école. Et ensuite, les coachs qui leur ont enseigné à Paris vont les suivre dans leur écriture. D'accord. Et les aider à construire véritablement ces dialogues de belle manière. Les bons codes. Tout de la cela coûte un peu oui, de sous. Tout à fait. Et c'est là que vous pouvez participer, vous qui nous écoutez. Tout et voilà. à fait. Avant on proposer... a juste besoin d'un tout petit peu de sous. Alors clairement, on a mis la barre à la fois. Alors pour certains, ça peut paraître haut, mais en fait, dans le monde du cinéma, c'est vraiment pas haut. On a mis la barre assez haute. C'est on cherche à recueillir 15 000 euros. D'accord. Mais on a un pool de fans considérable. Tout à fait. Oui, c'est ça. Vous qui êtes de l'autre côté de votre poste de radio. Oui, on a besoin d'être aidé par des gens qui croient à ce qui se passe dans notre département. Et oui, tout à fait. Il y en a. Qui permettent de faire les choses. Alors, on a bien saisi les choses. On préfère avoir beaucoup de monde pour des petites sommes. Tout à fait. Parce que c'est comme ça que ça se construit et parce que c'est un baromètre qu'on pourra ensuite apporter aux distributeurs professionnels en leur disant « Regardez le nombre de gens qui nous suivent et qui sont prêts à mettre même 2 euros, parce qu'on commence à 2 euros, puis 5, puis 10 euros, c'est puis ça. 20, puis ça peut monter au-dessus. » Et il y a bien évidemment en échange, il y a un vrai échange qui se fait, il y a des récompenses. Qui peut être, par exemple celle de devenir lorsque nous tournerons un figurant reconnaissable oh, wow. Qu'on voit dans le film voilà. mais pas qui fait que passer Voilà, donc ça c'est. Et puis, on va les faire pénétrer dans notre monde au travers du Facebook privé. Le groupe Facebook privé qui leur permettra d'être au courant de tout ce qu'on est en train de faire en production et en réalisation au fur et à mesure que ça arrive. Les exclusivités. Tout à fait, les exclus. Waouh. C'est plutôt sympa. Et puis, des cartes postales, ouais, ça existe aussi. À 2 euros, hein. Après tout, pourquoi pas. On va leur donner des cartes postales de Dreamcatcher. Petit bout du décor, Julie. Ah, ouais, on pourrait, hein, mais ça sera plus difficile hein, quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont été empruntées dans des magasins ou la famille, des amis. Je ne suis pas sûre qu'ils soient d'accord. La pierre tombale, si on met le prix, on pourrait... Ah, tout à fait, hein, ça peut être un cadeau. Gagner la pierre tombale, allez-y. Elle est très jolie. Participez. Hein, pour sortir à Halloween, nature. Elle sera parfaite. Hein. Alors, ce financement participatif, crowdfunding en anglais, d'ailleurs est situé sur un site américain, mais qui a une part belle en France, qui s'appelle Kickstarter. Oui. Je vais l'appeler KICKSTARTER. Tout à fait. Le kick, vous savez, c'est ce qui fait démarrer une moto. C'est vrai. Le Kickstarter, c'est le starter aussi. Donc voilà, c'est ce qui permet de démarrer une affaire. Voilà. Okay. Et là, dans le culturel, ils font assez fort, ces gens-là. Et donc, on a ouvert depuis maintenant une dizaine de jours un financement participatif. Il suffit d'écrire tout simplement Kickstarter en un seul mot. Dreamcatcher, vous irez voir sur Internet comment ça s'écrit. Et série, c'est très important de mettre série derrière, parce que Dreamcatcher est utilisé aussi dans d'autres films et dans d'autres tout réalisations. À fait. Oui, tout à fait. Il y a même un groupe qui s'appelle... Dreamcatcher, effectivement. C'est vrai. Voilà. Et donc, dans ce financement, il faut bien écrire Kickstarter, Dreamcatcher, série, dans votre moteur de recherche préféré. Et là, vous allez arriver sur la page d'accueil qui vous permettra, si vous souhaitez nous aider, de mettre 2 euros. Ou plus, si affinité. Ou plus, tout à fait. Et pas d'inquiétude pour nos auditeurs. Nous, bien sûr, communiquerons le lien de cette campagne participative avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Comme ça, voilà, le chemin sera facile. Merci Guémozo. Avec plaisir. Merci mademoiselle Guémozo. Avec plaisir. Et donc voilà, ça on l'a dit, au moins voilà, c'est fait. Voilà. Et donc ça va nous permettre d'envoyer ces gens, nos auteurs en formation. Et puis ça va aussi permettre de pouvoir aller faire des allées et venues à Paris pour aller rencontrer ceux qui commencent à s'intéresser à nous. Et on peut le dire aujourd'hui, on a 3 grands prétendants, grosses boîtes. Qui ont répondu à nos sollicitations, c'est déjà bien, qui continuent à nous entretenir par mail, ça c'est plutôt bien, parce que les gens qui en général ne répondent pas, on les connaît, ceux-là nous répondent, et ça c'est plutôt bien, donc des allées et venues, etc., voilà, il faut qu'on finance encore un petit peu ça pour arriver au bout. Tout à fait. Voilà. Et on vous le souhaite, et c'est vraiment très très mérité, en tout cas, un grand bravo à toute votre équipe, et une longue vie à The Dreamcatcher. Merci. Et pour dire encore, et pour terminer, que justement, si tout va bien donc et que nous puissions être pris en charge avec une grande maison de cinéma et que nous puissions trouver un diffuseur, c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Oui. Une fois que ça se sera fait, là, on entrera dans une phase donc de réécriture des scénarios, on vient de le dire, la suite dialoguée, qu'on va leur livrer le plus tôt possible. Et ensuite de quoi on va commencer à travailler sur la pré-production. Et c'est encore pas le tournage, hein, on n'y est pas encore. Non, la pré-production, c'est-à-dire que là, on commence à se dire, voyons, combien ça va coûter, quels sont les postes, les clés, qu'est-ce qu'on va créer comme décor, qu'est-ce qu'on ne va pas créer, mais qu'on va prendre en décor naturel, autour du scénario. Donc, et on est déjà en train de le faire, ça, on a pris de l'avance là-dessus, puisque Steve Reboux, qui n'est autre que le compagnon de notre Julie d'à côté, est en train de travailler en ce moment sur ce qu'on appelle le dépouillement. D'accord. C'est-à-dire qu'il a pris les synopsis un par un, et il nous décrypte quels seront tous les besoins qu'on aura, c'est-à-dire en nombre d'artistes, d'acteurs, en nombre de figurants, en décors, en costumes, en voitures, voilà. Et ça nous permettra à nous de pouvoir faire le devis du film, enfin, de la série. De la série. On saura à peu près combien ça va coûter, Et en même temps, là, la pré-production, ça va être aussi d'aller choisir les emplacements dans lesquels on va aller tourner, d'aller faire les demandes d'autorisation, encore une fois, tout ce travail administratif qui se fait en amont de la réalisation. Seulement à partir de ce moment-là, quand on saura qu'on peut avoir les sous pour le faire, là, on s'intéressera au casting. Eh ben oui. Et ça, c'est pas avant l'été 2020. Oui, oui, oui. Et ce sera donc la préfiguration des tournages qui commenceront, nous l'espérons, au deuxième semestre, une bonne partie dans le deuxième semestre, peut-être en septembre ou quelque chose comme ça, 2020. D'accord. Voilà. Et là, on est parti pour des tournages qui risquent de durer quelques temps. Il n'est pas impossible que ça puisse durer environ, entre les tournages et le montage, un an. Eh ben oui. Voilà. C'est-à-dire que le projet d'aujourd'hui est un projet pour diffusion dans 2 ans. D'accord. Ce qui est logique. Mais oui, oui, oui. Voilà. Il faut le temps de fabriquer. Est-ce que ça restera local ? Est-ce que voilà, ça sera toujours tourné ici, dans nos Vosges ? Le plus possible. Si on, voilà, tout ce qui peut être tourné ici, on s'arrangera pour qu'il soit tourné, oui, en fin de compte, dans la région, dans le département. Mais, je peux donner une réponse ? Bon, ben oui. On prend. Je ne vous demande pas, Julie, si vous ferez partie de l'équipe. On a bien compris que voilà, vous étiez immergée dans cet univers, et, à mon avis, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais, ça va être... Hâte que ça commence pour les nouveaux décors et toute la suite. Ouais. Oui, j'ai hâte. Il y a même déjà des choses auxquelles... déjà un peu regarder et se dire « Ouh là là, studio ou décor réel ?» Parce que ça change tout. Ah oui, oui. Non, c'est... Et puis oui, j'espère voilà, même bosser avec des professionnels et être leur assistant, ça... C'est une grande aventure. Une grande aventure, c'est exactement ce que j'allais dire. Encore une grande aventure à venir pour The Dreamcatcher, on le voit bien. Et... Est-ce qu'il y a une date butoir pour participer à cette campagne de financement ? Oui. Alors c'est important de le dire. Clairement, elle s'arrête le 22 décembre. Ah oui, oui. D'accord. Donc voilà, il reste encore un peu de temps, un mois. Pile. Oui. Eh oui. C'est long, mais c'est court en même temps. Voilà. Voilà. Donc, ça a débuté gentiment. Je dirais pas à fond. Je pense que nos fans prennent un peu le temps autour de ça, de voir comment on avance. J'aurais tendance à leur dire allez-y dès maintenant, oui, parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on fasse décoller un petit peu les choses. On a des gens qui nous ont super aidés. On a eu des dons qui sont absolument fabuleux. On a reçu un don qui nous a éberlués, qui nous a permis d'avancer d'un grand pas d'un seul coup. Ouais. Mais et donc cette personne se reconnaîtra, on n'a pas le droit d'en parler pour l'instant, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui ont mis quelques moyens dedans, oui, et qui souhaitent vraiment, vraiment nous aider, parce que justement, nous avons cette capacité à rester vosgiens, parce que c'est une vraie histoire vosgienne, alors pas qu'entre vosgiens, parce qu'il faut quand même savoir s'ouvrir aux autres aussi, bien et sûr, ne pas rester dans notre... voilà. Hein, mais quand même... ne pas oublier qu'on est dans un département qui a tous les atouts pour pouvoir le faire. Et c'est ce que je me tue à dire à tous les présidents de comités d'agglomération, présidents de conseil général, qui sont d'ailleurs très ouverts à ce qu'on est en train de faire là, qui nous observent énormément et qui nous encouragent énormément. Ça, je le dis clairement, merci à ces gens-là. Alors, il y a des politiques au milieu, évidemment, hein, mais qui sont justement nos fans aussi. Voilà, le président du conseil départemental a vu la série, a vu la web-série. Il y a passé du temps quand même, hein, il l'a fait. Super, et j'en étais même étonné quand je l'ai rencontré. Et nous avons eu des discussions ensemble quant au sujet justement de ce qu'est notre département, de ce que nous proposons en projet vosgien. C'est une vraie histoire. On sait aujourd'hui que notre grande région a plutôt happé les budgets vers la région de Strasbourg. Oui. Ce n'est pas très correct vis-à-vis des autres départements, mais c'est un fait. Aujourd'hui, tout est centralisé sur Strasbourg. Si vous n'y êtes pas, vous êtes oublié. C'est ça. Et les instances locales et le président du conseil départemental en est très conscient. Et il est prêt tout à fait à nous aider pour qu'on ne soit plus pris pour des péquenauds. Voilà. C'est en ce sens que je sais qu'on peut avoir son soutien à fond. Et on fait bouger les choses, nous, ici, dans les Vosges. Il y a plein de choses qui s'y font. Et là, on voit quand même le professionnalisme de ce qu'on peut faire ici. Nous ne sommes pas des péquenauds, on vous l'assure. Voilà. C'est ça. Rappelez-moi l'origine du mot Guémozo, s'il vous plaît. Alors, c'est un petit ruisseau au commencement de la radio. Donc, la radio était une radio pirate et centralisée à côté d'un petit ruisseau s'appelant le Guémozo. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est du patrimoine vosgien, hein ? Tout à fait. C'est du patrimoine. Voilà. Gardons notre patrimoine, on l'a aussi, gardons-le. Mais partageons-le. Ben voilà, tout à fait. On vous remercie beaucoup, en tout cas, Julie et Jacques, d'être venus aujourd'hui dans nos studios à Radio Guémozo pour nous parler de cette fabuleuse aventure qu'est The Dreamcatcher, un commençant web-série qui finira série télévisée. Une très, très longue vie à tout ce très, très beau projet et à toute son équipe. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous recevoir et de pouvoir échanger avec vous. Et nous, merci. À l'inverse, autant ravis que vous, tout rassurez-vous. Alors là, franchement, ça a été un bon moment qu'on a passé ensemble, oui. Un bon moment qu'on a passé avec vous dans votre voiture ou derrière votre poste de radio. Voilà. Ça fait plaisir de pouvoir communiquer avec vous tous, ben c'est voilà. Clair. On peut vous suivre sur votre page Facebook. Oui, hein, tout voilà. À fait. Là, The Dreamcatcher, la série. Voilà, on y retrouve Instagram. Les informations, quelques images et bien sûr un lien vers cette campagne de financement participatif auquel vous pourrez participer et voilà, amener un petit peu votre petite pierre ou votre grande pierre selon votre envie et vos moyens, oui. À l'édifice et à l'aventure de Dreamcatcher. Et puis on en reparlera certainement sur vos ondes. Bien sûr, bien sûr, avec grand, grand plaisir. Thank you. before.